LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors là, on part vers le Gard. Médecine rurale dans le Cantal. Donc on va passer par les petites routes. Ça va tourner un peu. Ça va pas forcément être très marin. Aujourd'hui, la tournée de l'infirmier, par Antoine Tricot et François Test. Bonjour Jean-Guillaume Fabre, vous êtes infirmier libéral à La Feuillade en Vésie. Et il est 6h59, on commence la tournée par quel village? Alors on va commencer à Lequin et on va commencer par voir des gens diabétiques. On va voir trois patients d'abord, diabétiques, donc il faut arriver pas trop tard. Essayer de respecter leur rythme, leurs horaires. On reviendra à La Feuillade et on repartira après du côté de Prunay. Voilà, à peu près jusqu'à midi, de 7h à midi, midi et demi. On va voir à peu près 18 patients. Là, on est sur des petites routes, vous avez dit. On traverse un paysage vallonné, très vert. Ah ben là c'est le paysage, c'est sûrement le plus joli le matin à 6h30, 7h, le moment où le soleil se lève, c'est le moment assez calme. Là en ce moment en plus c'est très vert, c'est le moment où on peut peut-être voir des animaux, notamment des biches, des lièvres. On peut se faire couper la route par des vaches aussi, il y a une ferme un peu plus bas là qu'on traverse. Faut être vigilant quand même. Le lieu de la tournée se situe où par rapport à Aurillac, par rapport au Cantal? Alors c'est le sud d'Aurillac, pas loin de la frontière Cantal-Aveyron. En fait, l'Aïeul, c'est là-bas. On voit des bouts de maison. Et après, c'est tout le plateau de l'Aubrac. Bon, là, il fait particulièrement beau parce qu'on voit vraiment, souvent, c'est dans les nuages quand même. Ce n'est pas parce que je n'y habite plus que j'ai oublié ces paysages du Cantal. Ces montagnes douces et vertes sont ancrées si profondément en moi que je peux les voir en fermant les yeux, peu importe où je suis. Ce département du sud de l'Auvergne est une zone très rurale, mais la situation de ses habitants n'est pas très différente de celle des autres régions de France. Avec 385 médecins pour 143 000 habitants, le Cantal n'est pas le plus mal loti en ce qui concerne l'accès aux soins. Et pourtant, trouver un rendez-vous avec un ophtalmo ou un gynécologue, c'est presque mission impossible. Il faut souvent aller à Clermont-Ferrand, à 2 heures de route d'Aurillac. La médecine se recompose partout. Le médecin de famille, avec sa petite mallette en cuir que l'on peut appeler à toute heure du jour et de la nuit, est en voie de disparition. Alors, pour compenser, les infirmiers libéraux ont un rôle de plus en plus important. Jean-Guillaume Fabre est infirmier libéral. Il a 33 ans et il nous a trouvé une place dans sa voiture. Coincé entre les boîtes vertes pour les prises de sang, les flacons en plastique de lotion antiseptique et son sac rouge contenant compresses et bandages. Il y a combien d'infirmiers dans le cabinet? Alors on est 5. Moi quand je suis arrivé en 2012 dans le cabinet, en fait elles étaient 4. Ah, et finalement. Voilà, une biche qui saute. Là, c'est joli. Mais c'est régulier, en fait. On les a très souvent le matin. Elle a traversé la route juste devant nous. Hop. Alors là, on est au-dessus du plan d'eau du Morse. Donc, en fait, il y a un plan d'eau en bas. On est entre les communes de Tessières, les Bouliès et Lequin. C'est un plan d'eau qui est génial. Il n'y a jamais personne. Et c'est super calme, c'est super joli. Et bonjour. Je vous fais peur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous m'amenez de qui faire? Comment ça va? Ben, mais... Il m'accompagne aujourd'hui, c'est pour la radio. Voilà. C'est que du son. Mais vous inquiétez pas, hein. On va pas vous attaquer là. On ne peut pas maintenir une petite pied aux gens. Ah ben. Bon, comment ça va au fait? Vous avez pas fait un malaise? Si. Ouais. Elle m'a dit, Nadège. Oui. Ouais, elle a fait un malaise. Et finalement, ça va mieux? Ça va? J'étais en train de baisser. Ouais, mais d'accord, mais demande si ça va. Et ouais, ben ça va là. Ouais. Oui. Et au fait, les farsous. Comment? Les farsous. Ouais. Les farsous. Oui. Eh bien, ils étaient super. Ah oui, ils étaient bons. Ah oui. Ah oui, bah là, on a tout fini, là. Hein. Là, il n'y a pas eu de... Pas de reste, hein. Pas de pitié pour les farsous. C'est que ça, tu vas plus bien. Non. Ah non, il y a la pain. Mais non, il n'y est pas. Il y en a pour ce matin, mais il faut en prendre à la pharmacie. Si vous pouvez me les porter demain ou non. Oui, je vais le prendre. Ouais. Oui. Ça là. Oui, il y a que ça. Bon, mais c'est bon, j'ai pris le. Ah, c'est bon, j'ai pris le. D'accord. Bon, merci. À demain. À demain. On se retrouve dans tous les autres. Si vous les avez, d'accord. Allez. Là, c'est les gens qui sont pratiquement le plus loin de la tournée. Et du coup, bon, là, quand il manque des cachous, quand il manque des médicaments, on va aller chercher à la pharmacie. On les ramène souvent. Parce que même s'ils descendent régulièrement ou à la Feuillade ou à Aurillac. Ah non, laisse-moi passer devant. Dommage. C'est des bouchons d'ici. Oui, exactement. Yeah. C'est toujours à la même heure, en fait, alors je le sais. Enfin, mais... C'est un agriculteur qui amène sa fille jusqu'au car, jusqu'à Lequin. Parce qu'après de Lequin, elle part au collège à Mont-Saint-Louis. Parce qu'il y a un collège à Mont-Saint-Louis, en fait. Ça fait partie des rares collèges qu'il y a encore en campagne, on va dire, plus ou moins. Donc en gros, entre 30 et 40 minutes pour aller au collège. Hors hiver. Parce que ici, par exemple, l'hiver, il y a des matins où c'est un peu le rodéo. Hein. Il y a de la neige. Il peut y avoir beaucoup de neige. Donc ça peut mettre beaucoup plus de temps, je pense. Pour revenir sur le couple qu'on vient de voir. Oui. Donc c'est un couple de personnes âgées. Exactement. Elle est diabétique depuis longtemps. Elle est suivie. Moi, j'ai toujours connu. Ça fait 6 ans et demi que je suis dans le cabinet. J'ai toujours connu. Et monsieur, ça fait que 2-3 ans en fait qu'il a développé son diabète et qu'il est lui aussi insulino-dépendant. Là, on repasse au milieu d'une ferme avec des vaches sur la gauche, des génisses, des jeunes vaches. Des laitières, des Primolstein. Ils les sortent, de toute façon, tous les matins on les voit. Vu que les laitières, La traite se passe à généralement 7 heures dans les fermes. La plupart du temps, nous, quand on doit piquer des agriculteurs, c'est ou à 6h30 ou à 8h30 quand ils ont fini la traite. C'est l'heure critique, 7h, 7h30 pour eux. Annie Plantecoste, j'ai 62 ans, j'ai commencé ma carrière d'infirmière libérale en 82, donc ça fait 37 ans. Il n'y avait pas de cabinet infirmier sur la Feuillade, donc c'est une création de cabinet. Et puis petit à petit, au fil des années, on est arrivé aujourd'hui à 5, notamment avec Jean-Guillaume que vous suivez en tournée. Et du coup, voilà, c'est être infirmière libérale, c'est pour entrer dans l'intimité des gens, il faut s'adapter à eux, il faut s'adapter à leur façon de vivre, à leur façon de fonctionner. Et alors que, bon, quand les patients vont à l'hôpital, eh ben, c'est eux qui s'adaptent au milieu hospitalier. Mais nous, il faut, pour avoir la confiance des patients et des familles, il faut qu'on s'adapte à eux, qu'on rentre dans leur intimité, mais vraiment à tout doucement et à leur rythme. Et c'est comme ça que la relation se fait au mieux. Le temps sur mettre. Hop. que là, on voit madame et monsieur. Il faut prendre l'attention. Oui, on prend l'attention à monsieur parce qu'il revient d'hospitalisation. Histoire de voir comment il va. Eh bien, le chien. Et bonjour. Bon, oh là là, ça rigole pas. Hein. Ah là, on arrive à... J'ai des renforts, ça rigole pas ça, du tout. Il y a des renforts. Bonjour, messieurs. Bonjour. Messieurs, c'est messieurs, il n'y a pas de dames, c'est non messieurs, non, non. Que des messieurs. Oh là là, Pierre, que des mecs, hein. Alors là, d'abord, c'est super. Bien. Oh non, non, non, c'est pas... Hein. Allez, venez avec moi. Ah oh, bon, faut que j'aille, alors. Bon. C'est que... On change rien, hein. C'est mon gamin, ça, là-bas. Hein. C'est mon petit gamin. Mon grand gamin. Bien. Bon, comment ça va? J'ai eu un petit souci avec Pierrot hier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire qu'il avait un petit peu de température. Alors, Nadège a lui prend la température. Ouah. Et donc... Aïe. Donc elle dit, je vais la reprendre. Effectivement, elle reprend quelques temps après. Finalement 30 pareil que moi. Bon, elle a dit, mais enfin, par précaution, on va côté droit, chérie. Oh là, voilà. Là, ce matin, vous l'avez repris ou pas? Top au top, oui, 36 et quelques. Bon, ça merci, va, alors, nickel. Merci. Oui, oui, 36 et quelques. C'est juste lui prendre l'attention ce matin. Oui, Pierrot, oui, oui, voilà, je pense. Hein. Tu fais comme... Voilà. D'accord. Voilà. Et mes lunettes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le passage de Jean-Guillaume Fabre, qui est infirmier énorme libéral tous les énorme jours? Énorme. Soutien, réconfort, et puis le besoin que j'en ai, quoi. Mais heureusement qu'ils sont là, hein. Tout à fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui passent chez vous tous les jours? Oui, j'ai donc Jean-Guillaume, enfin j'ai les infirmières qui passent le matin, donc à ces heures-là. Ensuite, j'ai les aides-soignantes qui viennent pour mon mari, parce que mon mari est donc très malade. Et donc ensuite, deux fois par semaine, j'ai une aide ménagère, une très grave opération au cœur. J'ai des valves, j'ai une pile, j'ai deux prothèses, enfin j'ai la totale. Enfin bon, énorme les infirmiers. Vous êtes près de nous, vous êtes très très près de nous, moi je le dis franchement. Vous êtes à notre écoute, c'est déjà énorme, parce qu'à nos âges, 83, 92, c'est pas évident. Ils pourraient dire, bon, ben, ils sont âgés. Mais c'est vrai, vous êtes près de nous. C'est pas grand-chose, tu vois, Nadège, quand Pierrot a été hospitalisé. Pour moi, ça a été important. Hein, bon, elle est arrivée un matin, elle m'a trouvée, donc, bon, je ne l'ai pas entendue arriver, je pleurais. Elle est restée, elle n'était pas obligée de rester, Jean-Guillaume. Elle est restée presque une demi-heure avec moi. Elle m'a parlé, elle m'a réconfortée, elle m'a dit la gravité de Pierrot, elle m'a rien caché. Donc ça m'a fait du bien qu'elle me parle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Oui, mon chéri. Oui. Pierrot, il s'énerve. Là, oui. Bon, du coup, à demain. Merci à demain beaucoup. Allez. Mais je vous en prie, je vous en prie. Allez, à demain. À demain. Docteur Loïc Gapian, nous sommes à la Capelle d'Elfraise, dans votre nouveau cabinet qui paraît fraîchement installé. Vous avez 33 ans, vous vous êtes installé il y a très peu de temps, c'est bien cela? Oui, en fait, le cabinet est construit depuis... Enfin, en tout cas, je l'occupe depuis janvier 2017. En ville, on a sans doute accès plus rapidement aux examens complémentaires, on a accès plus rapidement à la vie de spécialiste. Là, par exemple, si on veut un rendez-vous avec un rhumatologue, il y a bien facilement 3 mois de délai. Bon, on arrive des fois à bricoler pour les urgences, à se mettre d'accord pour que les patients soient reçus plus rapidement, mais globalement, il y a énormément de délais sur Aurillac, donc il faut savoir faire un peu tout soi-même. Et c'est vrai que ce caractère, apprendre à se débrouiller avec les moyens du bord, rend, me semble-t-il, l'exercice plus intéressant. Quels sont vos horaires? Est-ce que vous faites des gardes de nuit également? Quand je me suis installé au tout départ, il y avait des gardes de soirée en semaine qui commençaient à 19h et qui s'arrêtaient à minuit, et des gardes de week-end, donc le samedi et le dimanche, qui commençaient à 8h le matin et qui s'arrêtaient à minuit aussi. Comme certains secteurs se sont retrouvés en pénurie de praticiens pour assurer les gardes, l'ensemble du système a été revu. maintenant, en semaine, c'est la maison médicale de garde d'Aurillac qui reçoit les urgences. Et sur notre secteur à nous, on ne fait plus les gardes que le week-end, en fait, le samedi dimanche, de 8h à 20h, ça s'arrête. On ne va plus jusqu'à minuit. J'ai l'impression que le médecin que vous incarnez n'est plus le médecin de campagne tel qu'on l'a souvent dans les mémoires et les romans, qui part avec sa trousse en cuir et qui passe sa vie à travailler. Est-ce que vous voyez plus justement la médecine peut-être comme un travail et moins comme une passion qui prend énormément de place dans sa vie aussi personnelle, etc.? Alors à la base, c'est sûr que c'est une vocation. Maintenant, c'est vrai que cette image sans doute un peu idéalisée du médecin corvéable à merci, d'une certaine façon, je ne suis pas sûr que j'aurais pu l'exercer s'il n'y avait pas eu de système de régulation au niveau des gardes, si on avait pu être appelé de 8h à 8h le lendemain matin, parce que dans certains secteurs, c'était encore ça il y a peu, 8h à 8h le lendemain matin. Non, ça aurait été difficile à gérer, je pense. Surtout que j'ai mon épouse, j'ai deux petites filles. Voilà, on n'a pas énormément de loisirs, mais au moins les voir grandir. Jean-Guillaume Fabre, vous êtes aussi, en tant qu'infirmier libéral, un peu le premier interlocuteur en matière de santé. Souvent, ils vont nous demander des conseils, en fait. Des conseils pour, entre guillemets, éviter d'aller voir le médecin. Ils vont nous demander des conseils sur les douleurs chroniques. Alors on essaye de leur apporter les réponses qu'on peut, mais bon, quand on voit que c'est ou répétitif ou qu'on n'a vraiment aucune réponse, on leur conseille quand même d'aller voir le médecin. Mais généralement, sur les petits maux du quotidien, des fois c'est juste une part d'angoisse, une part où il faut juste en parler un petit peu, leur dire de faire attention ou leur dire que le temps a changé et que du coup, si les douleurs d'arthrose se réveillent, c'est un peu normal. C'est des choses finalement simples et qui les rassurent. En ce qui concerne la patientèle, j'ai cette chance-là qu'elle soit assez variée, il me semble. Contrairement à des clichés, à des idées reçues, en discutant avec d'autres personnes, je vois qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de clichés sur la campagne. Je vois énormément d'enfants. Je pense qu'il y a peut-être 30% de mes consultations qui relèvent de la pédiatrie. Ensuite, je vois des adultes jeunes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et de familles d'agriculteurs, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants. Mais il y a aussi des salariés sur les entreprises locales ou des gens qui travaillent à Aurillac, mais qui ont choisi de vivre à la campagne et du coup qui viennent assez naturellement me voir. Et puis, évidemment, des personnes âgées. Mais ce n'est pas 90% de personnes âgées comme des fois on peut me renvoyer en image. On va dire que 90% de mes visites, par contre, se font chez les personnes âgées dépendantes. Comment ça va? Bonjour. Je suis pas tout seul, j'ai des gens de la radio qui m'accompagnent. Et ils viennent d'Aurillac, ces personnes? Eh non, ils viennent de Paris. Voilà. Ça fait loin, hein? Un peu loin. C'est beau, mais c'est loin. Je voudrais pas y aller. Ah, carrément. Bonjour. Et on parlait de vous. Vous avez quel âge? Ça se dit pas, ça se demande pas. Non, mais je suis désolée. Moi, je m'en fous, là. Je le dis pas à tout le monde, mais... je suis née en 1930, alors vous avez qu'à faire... Ah, voilà, ça suffit, ouais. Ça nous suffit. Vous avez qu'à faire le calcul. Très bien. Oh là là. Et lui, en 24. En 24. Eh ouais. 1,20, parfait, chef. Eh bien, très bien. Mais ça fait pas trop. Ça fait pas trop d'après les cœurs. Ouais, mais bon, c'est pas mal. Là. Sur la moyenne de la semaine, c'est pas mal. Et on fait quoi après? On fait... Elle a fait quoi, Nadège? Mais il faut faire les épaules. On fait les épaules. Depuis le temps qu'il fait faire le ventre, lui. Bon. C'est pas le ventre. Allez, les épaules. Il sait plus où il a les... Je le demande. Bon, c'est la saison de quoi en ce moment? En ce moment? Vous vendez quoi au marché? Des fraises. Des fraises? Eh ben oui. Les fleurs, les pivoines. Oui, les pivoines qui sont. Et voilà, pour faire les bouquets. Parfait. J'ai vu que Chipillard commençait à venir le matin. Je l'ai faite partir hier soir, mais dans la nuit, à 4h du matin, elle a aboyé, l'air de dire « Je suis là ». Je suis toujours là. C'est le chien qu'on voit. C'est pas leur chien, c'est le chien à la ferme d'en bas, mais on se fait plaît bien ici. On fait à moitié. Bon, allez, du coup, à ce soir. À ce soir, merci. Bonne journée. Allez, bonne journée aussi. Allez. Au revoir. Au revoir. Allez. C'était du diabète ? Oui. Oui, oui. Monsieur, on le suit. Moi, je l'ai toujours connu et les filles, je pense que ça doit faire une quinzaine d'années qu'elles viennent ici tous les jours, matin et soir. C'est là que tu te rends compte, en fait. 15 ans, matin et soir, chez quelqu'un. C'est même pour eux, leur rythme, ils se disent tous les jours, ah ben, à telle heure, il faut qu'ils soient dans les parages, en fait. Ça les contraint un peu à faire attention à nous, quoi. Mais ils le font. On n'a jamais porte close. J'ai pratiquement aucun patient, en fait. C'est aussi sur la durée que se met en place la confiance qu'ils vous témoignent. Oui. Clairement, c'est sur la durée. Après, il y a eu des fois, moi, où au tout début, vu que je suis le seul garçon, j'ai eu des mamies qui avaient un peu une réticence. Parce qu'elles se disaient, ah, mais dans le cas de toilette, ou il va me voir toute nue, ou je sais pas, des choses intimes. Et finalement, après, j'ai un statut différent. D'être le seul garçon, justement, j'ai un statut un peu privilégié parce que, voilà, je suis. Le petit gars, quoi. C'est comme... ouais, ça pourrait être ma grand-mère, pareil, quoi. Elle me considère comme le petit-fils. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle me tutoie. Enfin, je trouve ça normal. Hein. Quand il y a beaucoup d'affect comme ça avec des personnes âgées, j'imagine qu'il y a des moments aussi qui peuvent être difficiles. Quand certains décèdent ou vont à l'hôpital ou rentrent en maison de retraite. Ah, ben, forcément, c'est... quand on considère ces gens-là qu'on voit tous les jours comme une partie un peu de notre famille, on s'expose à des moments pas faciles. Après, la chose qu'il y a, c'est que justement, on est là pour les aider. Quelque part, on se dit, bon, ben, on a fait un peu notre maximum. Et voilà, ça nous aide à pas non plus ruminer tout le temps. Parce que sinon, quand on voit des personnes âgées tout le temps, c'est forcé que... À un moment, sinon, on peut s'effondrer. Hein. C'est comme si on perd un membre de sa famille tous les mois. Enfin, ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ce chemin-là, sinon on ne pourrait pas bosser. Pendant toute ma carrière, j'ai habillé beaucoup de morts, comme on disait dans le temps. Aujourd'hui, c'est les pompes funèbres, services de pompes funèbres qui font ça. Aujourd'hui, dans le temps, c'était nous, hein, on nous appelait nous. Donc, que ce soit de nuit ou de jour, on allait habiller les personnes décédées à domicile. Et ça, c'était très dur au début parce que c'était compliqué. Enfin voilà, où j'étais pas. Après, on s'habitue pas. Hein. Je dis pas que je m'habituais, mais après voilà, on savait plus s'y prendre. Mais par contre, ce sont des moments qu'on vit avec les familles qui sont très forts. Ce sont des moments que personne n'oublie. Et voilà, c'est ce qui rend le métier attachant, parce que la mort fait partie de la vie aussi. Hein. On le vit. Jean-Guillaume Fabre, quels sont les types de soins que vous faites le plus souvent ? Alors, le plus souvent, on a des soins chez des gens diabétiques, donc dextro-insuline, donc contrôle de la glycémie insuline, des pansements, tout type de pansements, hein, des ulcères, des post-op de chirurgie, un peu de tout, des prises de sang, ça tous les matins on a notre lot, ça va de une ou deux prises de sang à des fois jusqu'à 10. Après, de la préparation de piluliers, préparer des cachets ou même donner, chez des gens on y va pour juste donner les cachets. quelques toilettes, mais souvent c'est des douches, parce que finalement les grosses toilettes ou celles qui prennent le plus de temps, on le fait en collaboration avec l'ADMR, donc c'est une association de soins à domicile. Nous on est très contents de ce système là. Je me concentre, je sais plus où je vais là. Si. Hop, que je perde pas des patients en route. On a vu passer la moissonneuse batteuse. Ça y est, ça rattaque. Saison où ça va bosser dur. Quels sont aujourd'hui, pour les infirmiers, les enjeux de la profession? On passe d'un système de santé qui était très centré autour du médecin. Est-ce que aujourd'hui, l'infirmier a plus de place dans le nouveau maillage de santé, notamment dans les communes rurales? Alors, c'est encore, je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais j'espère que ça progressera dans ce sens-là, ça ira dans ce sens-là, dans la mesure où il faudrait que l'infirmière ait un peu plus d'autonomie par rapport aux médecins, parce qu'on voit bien que les médecins, ils sont moins nombreux, ils ont une patientèle qui augmente, donc peut-être c'est à nous à prendre le relais pour certains actes. On a déjà eu, par exemple, l'autorisation depuis un moment de prescrire des médicaments, surtout pour les pansements. Donc on a cette possibilité-là. Dans l'avenir, j'espère qu'il y aura aussi une approche de la télémédecine, puisque bon, on en parle beaucoup, mais moi j'y crois, et puis je pense que ça sera une bonne chose, parce que ça donnera un autre métier aux infirmières, et travailler à distance avec des, bon, pas forcément avec les médecins traitants, mais avec des médecins spécialistes. Moi je crois en ça, après, à voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Aurillac, on se rend bien compte que y a un manque de médecins spécialistes, hein, puisque pour avoir un rendez-vous chez ophtalmo, il faut un an, voire deux ans. C'est quand même assez compliqué. J'ai vu qu'ils avaient lancé un petit bus avec des opticiens qui font le tour dans les campagnes. Je trouve ça bien parce qu'on se rend compte quand même des difficultés qu'ont les personnes âgées. Alors c'est pas des grosses pathologies, mais rien que de changer une lunette, quelquefois, pour quelqu'un qui peut plus sortir de chez lui, c'est important. On a un gros problème de dentiste aussi chez les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées ne se font pas soigner parce qu'elles n'ont plus la possibilité d'aller chez le dentiste. Ça, c'est un gros problème, parce que c'est un problème qui induit des problèmes d'alimentation, qui induit des problèmes de mal-être, de douleur. Enfin, voilà, c'est un gros souci, les dentistes, je trouve. Et puis ensuite, les dermatos, ils sont Aurillac, hein. Il faut faire 25 km. Alors, quand c'est une difficulté pour se mouvoir, pour monter les escaliers, pour monter dans une voiture, voilà, c'est là où la télémédecine peut jouer un rôle important. Installer du coup. Alors le Zometa, ça se présente, c'est un flacon en verre que je vais percuter. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jean-Guillaume, comme acte? Alors je pose une perfusion de Zometa. Alors Zometa, c'est pour la prévention, parce que madame, elle a un traitement quand même assez lourd finalement, et qui peut ouais, de la moelle osseuse, et ça peut lui entraîner des problèmes au niveau osseux. En fait, le Zometa, c'est pour la prévention de ces problèmes. Il manque quelque chose. Ça le porte-dentôt traite souvent l'hypercalcémie. Voilà, le cintre là-haut, oui, à domicile, quand on n'a pas de pied à perfusion, le cintre, c'est l'atout majeur de l'infirmier. Ça permet de pouvoir, hop, attacher le flacon en hauteur. Voilà. C'est où la veine la plus costaud? Finalement, plus on la pique et plus elle est costaud, celle-là. C'est à quoi? Alors, je positionne et je pique. Alors là, je pose un pansement plastifié. C'est juste pour protéger la perf le temps voilà, que ça bouge pas. Qu'on puisse contrôler, qu'il n'y ait pas de rougeur. Là, vous sentez pas de douleur particulière. Je ne sens rien du tout. Pas de problème. Vous pouvez se mettre. Et au niveau moral, c'est comment là? Bah écoutez, on voit peut-être pas tout. Tout ne se voit pas. Hein. Oui. Quand on se retrouve, je sais bien. Quand on se retrouve, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, quand on me voit, on me dit, oh mais. Tu vas bien, en forme. T'as bonne mine, ouais. Tu vois ce que je veux dire, surtout à la campagne. Mais bon, non, je suis pas si mal. Par rapport à ce que. Ouais, vous avez eu des moments où c'était peut-être plus difficile. Et... Bah, quand j'ai perdu 12 kilos en... à une époque, et que vous pouvez pas manger, vous pouvez rien avaler. Hein, c'est... Alors 16, 10, 80 pouces. C'est un peu élevé, effectivement. Ouais. Mais ça m'arrive de temps en temps, mais je pense que ça vient de, des sinus. Mais je sais pas qui c'est que je. Vous la voyez quand, la médecin là? Oh, mais attendez, je la vois tous les deux mois. J'ai plus de chimio depuis. Décembre 2018. Mmh. Hein, c'est ça. Et oui, on s'est vu là. Et là, le 10 juillet, le jour de mon anniversaire. Je revois le docteur... L'oncologue? Ouais. Et vous attendez quoi de ce rendez-vous? Ça vous fait peur ou... Non, pas spécialement, non. Et là, maintenant, comparé à avant le traitement, vous sentez, c'est quoi l'évolution au final? Je fatigue quand même vite. Hein, parce que je vais bricoler, je vais faire un peu de jardinage, les fleurs, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de... D'extérieur? Même, ouais, de bouger. C'est fou. Bon. Je m'appelle Robin Debray. Je suis donc pharmacien depuis très peu longtemps parce que j'ai été thésé il y a 2-3 mois à la fac de Toulouse et on s'est installé il y a 2 ans à Aurillac dans le Cantal. Aujourd'hui j'exerce à la Feuillade en Vésin, donc c'est à un quart d'heure d'Aurillac en zone un peu plus rurale. Et donc un projet pour reprendre la pharmacie qui était sans pharmacien titulaire depuis le problème de santé de sa titulaire. La législation fait que si un pharmacien est pas dans son officine pendant plus de 6 mois, elle doit être mise en vente. Après, si au bout de 1 voire 2 ans, suivant les dérogations, elle n'a pas été mise en vente, la licence se perd et la pharmacie ferme définitivement. Donc elle prive, puisqu'aujourd'hui il y a très peu de pharmacies qui s'ouvrent, elle prive en gros les patients qu'elle alimentait en médicaments de ce service. La première fois qu'on m'a proposé le rachat de la pharmacie, ça faisait moins d'un an qu'on était dans la région. On s'y plaisait, mais on n'était pas forcément sûr d'y faire notre vie non plus. Un rachat de pharmacie, c'est un investissement sur plus d'une dizaine d'années, donc on n'en était pas bien sûr. Mais d'une part, ça a arrangé beaucoup de gens, puisqu'il y avait cette peur des patients de ne pas avoir de pharmacie. Aujourd'hui, à peu près en France, il y a une pharmacie qui doit être à peu près un quart d'heure de chaque patient. Là, on aurait eu un trou d'une bonne demi-heure dans le Cantal. Donc, bon, on peut les comprendre aussi qu'ils aient eu cette peur-là. C'était une opportunité qui était bonne, une équipe avec laquelle j'aimais travailler. Et financièrement, c'était possible grâce notamment à plusieurs aides qui existent. Donc c'est une opportunité que j'ai saisie. Ouais. Quel a été votre premier étonnement par rapport à l'exercice ici, à la Feuillade en Vésin, donc en zone plus rurale? C'est la population à laquelle on a affaire, qui est forcément un peu plus vieille que celle que j'avais pu rencontrer pendant mes stages ou pendant le début de mon exercice en centre-ville de Toulouse. Et puis c'est toujours un petit peu changeant de voir qu'on délivre plus de médicaments pour le diabète ou pour la dépression de la personne âgée que de contraceptifs ou de choses comme ça que j'avais plus l'habitude de faire en centre-ville. Bon, on s'y fait assez vite. Après, les gens sont assez gentils et sont assez assez content aussi, enfin pas fermé, contrairement à ce que je m'attendais. Content de voir des nouvelles têtes arriver et pas fermé à se dire celui-ci n'est pas du coin. Au pont du diable. Exactement. Pont du diable, petite maison dans une toute petite vallée à côté d'un ruisseau. Très joli. Avec un beau jardin aussi l'été derrière. Magnifique quand il fait très beau. Oui. Et l'hiver excessivement froid avec une descente dangereuse. C'est un endroit très bien le printemps. Avec beaucoup de neige en hiver. C'est l'enfer avec moi. Jean-Guillaume Fabre, pour être infirmier libéral, il faut avoir une bonne voiture, avoir confiance en sa voiture, parce qu'on y passe pas mal de temps, j'ai l'impression. On a un cabinet, mais notre voiture, c'est notre vrai bureau. Au final, on y passe les trois quarts du temps. On y fait un peu tout, des fois on y mange un peu, on répond un peu au téléphone. Voilà, il faut l'utiliser, on l'utilise tout le temps. Et du coup, ouais, il faut une bonne bagnole. Là, par exemple, c'est un 4x4 parce que, notamment l'hiver, ça peut être très utile. Comment êtes-vous touché par la question du prix de l'essence, notamment ? Bon, ça fait partie de nos charges. Donc forcément, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires, au final. Après, on n'a pas le choix. On fait souvent plus de 200 km par jour. Donc même moi, je voulais regarder pour une électrique, mais ça paraissait assez difficile en termes d'autonomie. Donc on est résigné. Hein. On n'est pas forcément content quand ça augmente, mais on n'a pas le choix. Tiens, monsieur, on a vu ce matin. Vous faites à peu près 40 000 km par an. Ouais. Oui, ça fait quelques bornes sur l'année. Sur de la petite route. Alors je coche sur mon calepin, histoire d'oublier personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 patients. Annie Plantecoste, vous êtes non seulement infirmière libérale, mais également maire de la commune voisine de Le Camp. Qu'est-ce qui manque le plus à vos administrés en termes d'accès aux soins, d'accès à la santé ? On est dans un secteur très privilégié du Cantal, où on a des médecins encore, puisqu'on a des médecins d'un certain âge, mais on a aussi des jeunes médecins qui s'installent, comme vous avez pu le constater. Et ensuite, on a des cabinets d'infirmiers un petit peu partout quand même, hein, donc on a quand même pas mal de demandes. Et ce qui s'est beaucoup amélioré aussi, c'est la prise en charge des personnes à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une personne âgée qui ne peut plus se suffire, qui a une autonomie qui est de plus en plus en baisse. À ce moment-là, il y a une mise en place d'auxiliaires de vie, pour faire le ménage, pour faire les repas, pour faire d'aide-soignante. Il y a un service d'aide-soignante aussi par une association ADMR. Il y a quand même une mise en place de plein de services qui n'existaient pas avant, puisque avant, il y avait l'entourage familial, qui aujourd'hui n'y est plus. Puisqu'en fait, les personnes âgées, elles ont leurs enfants qui sont partis à droite, qui sont partis à gauche. Donc elles sont toutes seules, elles se retrouvent toutes seules. Et du coup, il a fallu pallier à ce manque. Et en plus, je pense qu'il y a une demande, une forte demande des personnes de rester chez elles. Et aujourd'hui, plus en communauté de communes, on réfléchit beaucoup à une intermédiaire, à une alternative à la maison de retraite. C'est-à-dire qu'on peut peut-être imaginer, et il y a des communes qui le font et c'est très très bien, des logements foyers par exemple. C'est-à-dire que c'est des petits logements, un T2, un T1, et puis il y a une salle commune, et puis il y a un accompagnement, mais où la personne reste quand même indépendante par rapport à une maison de retraite où c'est du collectif. Hein. Voilà. Docteur Loïc Gapian, vous avez votre cabinet à la Capelle Delfrais. Est-ce que depuis que vous êtes installé, vous avez eu un souvenir particulièrement marquant de votre exercice ici ? Je suis à domicile un couple de nonagénaires. On va dire que c'est mes seuls nonagénaires qui soient encore en couple. Les autres sont veufs ou veuves. C'est vrai que le monsieur est atteint de pathologies assez invalidantes, notamment au niveau pulmonaire. Et c'est vrai que quand il m'appelle, parce qu'il lui semble qu'il est plus essoufflé que d'ordinaire, qu'il crache davantage, voire qu'il a fait un peu de fièvre, c'est vrai que la prudence, ou en tout cas la médecine dans les livres, voudrait qu'on le fasse hospitaliser au vu de son âge et de ses problèmes de santé. Mais c'est là toute la difficulté, toute la beauté peut-être aussi de la médecine en campagne et au contact avec les gens, que ce soit lui ou son épouse, ne sont pas désireuses d'hospitalisation. Donc à chaque fois que ça arrive, et ça arrive assez régulièrement, surtout en hiver, il a fallu que je le traite à domicile. Et c'est là qu'il est important d'avoir une bonne coordination avec les équipes infirmières, parce que finalement, on organise avec des professionnels uniquement libéraux, uniquement des professionnels de terrain, une espèce d'hospitalisation à domicile, en faisant passer les infirmiers ou les infirmières au moins deux fois par jour, moi en m'y rendant de nouveau si l'évolution n'est pas la bonne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours réussi à le sortir du pétrin, entre guillemets, sans être obligé de l'hospitaliser, ce qui était sa première demande à lui comme à son épouse. Et maintenant, je le suis quasiment depuis que je me suis installé. C'est vrai qu'il va très bien, alors qu'au contraire, des fois, certaines personnes âgées hospitalisées, des fois, ne survivent pas à l'hospitalisation parce qu'elles sont arrachées de leur milieu naturel, entre guillemets, elles sont perdues, elles décompensent au niveau des démences, etc. Et au final, on leur fait bien, on fait moins bien. Bon, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là. Doucement. Eh oui. Doucement en ce moment? Très doucement. Ah bon, là, je voulais pas que j'aille vite quand même, non? Ah bah, je sais pas, c'est parce que vous voulez vous. Pour être votre grand-mère. Bah. Allez, montrez-moi Pâte Blanche. À quelle heure ferme la pharmacie? Midi? Midi. J'ai pu se remettre, j'ai attendu au dernier moment. Comment va la petite famille? Très bien. Ça pousse à fond. Là, je fais une prise de sang. Surtout pour les plaquettes. Contrôlées. Ça allait les dernières fois? Je n'en veux plus. Il faut mourir quelque chose. Hein. Là, je signe autre chose. Bon, alors, je suis très... philosophe très... sur ces questions-là. Oh là là. Aïe, je n'aime pas regarder ça, moi. C'est vrai, c'est bon. Vous voulez que je mette le doigt? Même pas. Ah! Vous voulez boire un coup? Vous voulez boire l'apéro? Oh, l'apéro, non, merci. Un chocolat? Ah, si vous voulez. Ah, ben, vous voyez quand, en fait. Ah, ben, je suis gourmand, après. Oh, ouais, ça, vous voyez. Vous me le dire, enfin, je le sais. Quand on atteint le 8, là, jusqu'au 8, ça va. Mais après le 8, c'est la décadence. Enfin, moi, je me plains pas, hein, voilà. Et vous bossiez où avant? À Neuilly, le Marly. Le Marly de Neuilly. Le Marly à Neuilly. Bar, tabac, resto? Brasserie. Hein, à l'époque, il y avait Sarko comme maire. On était dans un beau quartier. Quand j'allais à Paris, que je revenais à Neuilly, il me semble que j'arrivais à la campagne. Si Neuilly, c'était la campagne, ici, c'est quoi? C'est le désert. Dis donc, on va regarder la pharmacie, pareil. Mais oui! Que je suis contente. J'ai pensé à Mme Pentecoste parce qu'un jour elle m'avait dit si la pharmacie s'en va, c'est la cata. Vous pouvez lui dire que j'ai pensé à elle, hein, en premier. Robin, 28 ans, c'est gagné. C'est là. Le jeune oui. Qui est très sympa. Oui, oui, en plus. Oh, on a de la chance, hein. Vous vous rendez compte? On revenait 50 ans en arrière, là. Heureusement, là, ça sort. Moi, pas pour moi maintenant. Les carottes sont cuites, mais pour les jeunes qui viennent derrière, vous vous rendez compte? Et pour tous les commerces, même. Hein. Oui, hein? Mais non, mais pour tout le monde, au final, c'est un point d'arrêt. Et pour vous autres, évidemment. Et pour nous, oui. Tant mieux. Tant mieux. Vous m'avez porté ça. Vous avez mis encore un chocolat, vous? Non, merci, ça va. Vous pouvez abuser pour garder la ligne. Les efforts. Allez-vous-en. Bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Vous avez allumé, là? Ouais, j'ai tout allumé en bas. Là, j'ai fait... Versailles, en bas. Bonne journée! Robin Debray, vous reprenez cette pharmacie qui est la pharmacie de la Feuillade. Aujourd'hui, l'exercice de pharmacien a beaucoup changé. Comment espérez-vous peut-être transformer cette pharmacie? Vous avez 27 ans, vous avez toute une carrière devant vous et peut-être beaucoup de projets aussi. Bah, on constate que de plus en plus la rémunération du pharmacien et de son entreprise s'est détachée de la marge qu'il fait sur le médicament, qui est de plus en plus petite, pour aller vers des honoraires sur des services, l'accompagnement des patients qui ont de l'asthme, qui ont des traitements anticoagulants, les bilans de médication, et en fait utiliser l'expertise de médicaments qu'on acquiert sur 6 ans d'études pour un vrai travail de remise à plat et d'amélioration des pratiques d'un point de vue du médicament. Donc ce sont des choses qui sont prévues par l'assurance maladie, avec une rémunération qui est prévue aussi. Donc pousser la pharmacie plus vers ce conseil et une rémunération sur ces honoraires-là que sur le volume de médicaments qu'on sort, quoi. Aujourd'hui, c'est une affaire plutôt rentable, alors qui n'arrive pas non plus à sortir des excédents tous les années, mais qui suffit amplement à payer ses employés de manière tout à fait raisonnable, plus que ce qui peut se pratiquer par exemple en plein centre-ville où la pression est très forte. Pourquoi vous dites qu'en centre-ville c'est plus compliqué ? De l'expérience que j'ai eue sur les pharmacies de centre-ville de Toulouse, en tout cas, c'était plus compliqué à la fois pour les pharmacies qui subissent la concurrence de grandes enseignes au niveau de la parapharmacie, et aussi, d'un point de vue moi salarié, la pression d'être dans une ville de laquelle sort 80 pharmaciens néo-formés tous les ans, et que quand on pose un CV sur une table, il est parmi 15 autres CV, quoi. Donc c'est sûr que d'un point de vue des salaires, moi j'ai vu directement la différence entre ce qu'on me proposait à Toulouse et ce qu'on me proposait ici, et que même quand j'étais remplaçant, d'autres pharmaciens appelaient ici à la pharmacie pour essayer de me débaucher pour que j'aille dans une autre pharmacie. C'est quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs, quoi. Les médecins n'ont plus le même rapport aussi aux médicaments qu'avant. Ça a eu un impact, ouais, sur comment les pharmacies fonctionnent? Alors oui, c'est vrai que les jeunes médecins ont une tendance à moins prescrire de médicaments qu'avant. C'est dans la tendance actuelle. Moi, tout à l'heure aussi, quand je vous parlais des bilans de médication, c'est aussi souvent pour déprescrire des choses qui ne servent plus à rien. Et ça rejoint encore la conclusion qu'il faut complètement essayer de détacher la rémunération du pharmacien de la marge qu'il arrive à faire sur le médicament et du volume qu'il arrive à faire sur le médicament, et arriver à prendre sa place dans ce système de santé, sur le service, sur toutes les connaissances qu'il peut apporter sur le bon usage du médicament et sur l'éducation thérapeutique pour prendre cette place dans ce système de santé. Jean-Guillaume Fabre, c'était la dernière visite qui vient de s'achever. On va aller manger, on vient de faire... On a vu 19 patients, 20 patients. Il est un peu plus de midi. Il est un peu plus de midi, on a fait 150 km. Ce matin, je pense que c'est pas mal. C'est le moment. Voir autant de personnes tous les jours dans votre tournée, vous n'avez pas un peu l'impression, en tant qu'infirmier libéral, de tenir à bout de bras toute cette campagne rurale, tous ces gens qui ne sont pas forcément proches de la ville? Je crois pas. Je sais même pas si c'est pas eux qui nous tiennent à bout de bras au final. Parce qu'ils nous apportent autant qu'on leur apporte, je pense. Après, on fait des soins, on aide des gens, il n'y a pas de souci, mais eux nous apportent tellement à côté, en sympathie, en rire, en expérience, en plein de choses, en conseil, jardinage, en conseil. Donc, non, je crois pas que... C'est vraiment un échange. Il représente quoi, le métier d'infirmier libéral pour vous, finalement? C'est forcément un métier auquel auquel je tiens et auquel on tient en général, parce que on est en rapport avec des gens avec qui on s'attache forcément. Après, le métier en lui-même est intéressant parce qu'au niveau technique, on fait plein de choses différentes. Mais c'est pour les gens surtout, c'est quand on voit des gens tellement attachants et tellement intéressants que là, c'est. Moi, là, pour l'instant, en tout cas, je lâcherai pas ce métier, pas tout de suite. Et peut-être quand j'en aurai assez, que j'en aurai marre de voir du monde, mais là, pour l'instant, en tout cas. Pour rien au monde, je changerai de métier. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse le plus, c'est quand même qu'ils vous racontent des histoires. Ben un peu, forcément. Ça fait partie des choses dans la maladie aussi. Les histoires, l'histoire qu'ils ont eue avant. Clairement, ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils ont fait, ça fait partie intégrante souvent de leur maladie. Et après, au milieu, ils se greffent des histoires intéressantes, marrantes. Et du coup, c'est toujours marrant et intéressant d'avoir ces anecdotes, ces petites choses. C'était Médecine rurale dans le Cantal, la tournée de l'infirmier, avec Jean-Guillaume Fabre, Annie Plante-Coste, Loïc Gapillan et Robin Debré. Merci à tous les patients qui nous ont ouvert leurs portes et ont accepté de nous parler. Attaché d'émission Marivonne Abolivier, coordination Perrine Carvran, un documentaire d'Antoine Tricot et François Teste. Collection Mécanique du vivant, saison 2, le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction. Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ? Mécanique du vivant, saison 2, le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.